les hôtesses sont douces. Aux auberges bordées de neige, pourtant patientes les épouses que les enfants ont prises au piège. Pourtant les auberges sont douces, où le vin fait tourner manège. Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient? Pourtant les villes sont paisibles, où tremblent cloches et clochers. Mais le diable dort-il sous la Bible? Mais les rois savent-ils prier? Pourtant les villes sont paisibles, de blanc matin en blanc couché. Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient? Pourtant il nous reste à rêver, pourtant il nous reste à savoir. Et tous ces loups qu'il faut tuer, tous ces printemps qu'il reste à boire. Désespérance ou désespoir, il nous reste à être étonné. Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient? Pourtant il nous reste à tricher, être le pic et jouer cœur, être la peur et rejouer, être le diable et jouer fleur. Pourtant il reste à patienter, bon an, mal an, on ne vit qu'une heure. Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient?